En 1958, Hannah Arendt propose avec son livre « Conditions de l'homme moderne » de penser ce que nous faisons. Entendez par là de reconsidérer la condition humaine du point de vue de nos expériences et de nos craintes les plus récentes. Et parmi celles-ci, l'action. Qu'est-ce qu'agir et comment agir dans nos sociétés de travail, de consommation et de fabrication? Pourquoi l'action ne relève-t-elle pas que de l'agir, mais est indissociable de la parole? Et pourquoi est-elle la seule activité véritablement politique, la seule qui mette directement les hommes en rapport, mais la seule aussi dont le sens n'est pas toujours connu? Nous ne connaissons pas l'avenir. Tout le monde agit en vue de l'avenir et personne ne sait ce qu'il fait parce que l'avenir se fait. L'action est faite par nous et non pas par moi. Ce n'est que lorsque j'agis seul, si j'étais la seule, que je pourrais prédire ce qui va se passer à la suite de mes actes. Il semble donc que ce qui s'est vraiment passé soit entièrement du domaine de la contingence, et de fait, la contingence est l'un des plus grands facteurs de l'histoire. Personne ne sait ce qui va arriver simplement parce qu'il y a tant de choses qui dépendent d'une énorme quantité de facteurs variables, c'est-à-dire du hasard. Bonjour Martine Lebovici. Bonjour Géraldine. Vous êtes maître de conférences émérites en philosophie politique à l'Université de Paris, anciennement Paris Diderot. On vous doit de nombreux ouvrages sur Hannah Arendt. Le plus récent, c'est le Cahier de l'Erne, que vous avez co-dirigé avec Aurore Mrejane, qu'on a reçu mardi. Vous avez aussi écrit Hannah Arendt et la tradition juive, le judaïsme à l'épreuve de la sécularisation. C'est aux éditions Labor et Fide. Hannah Arendt, une juive, aux éditions Des Clés de Breuer. Enfin, Hannah Arendt, la passion de comprendre, aux éditions aussi Des Clés de Breuer. Alors évidemment, j'imagine que vous avez reconnu la voix de Hannah Arendt dans cette archive de 1974, on l'a entendu insister sur la contingence de l'histoire. Est-ce ce qui rend si difficile de définir l'action, cette contingence? Alors, en tout cas, ça met l'accent sur le fait de l'absence de l'illusion de la maîtrise. C'est-à-dire que on a souvent tendance à articuler l'action, en fait, comme fabrication, c'est-à-dire le fait que voilà, on commence quelque chose et puis on a des moyens en vue d'une fin que l'on connaît, que l'on va maîtriser. Mais justement, ce qui est très très intéressant chez Arendt dans sa conception de l'action, c'est qu'à la fois il s'agit d'agir, donc d'être présent au monde, de s'organiser avec les autres, mais aussi il ne faut pas céder à l'illusion de maîtrise, puisque nous ne savons jamais les conséquences, nous ne maîtrisons jamais toutes les conséquences de ce que nous faisons, parce que l'action se déroule dans un réseau préexistant, même si elle vient instaurer une brèche et une nouveauté dans quelque chose qui existe déjà, mais il y a des conséquences absolument qui échappent à notre volonté d'une certaine façon. Donc c'est aussi une critique de la volonté comme pouvant maîtriser notre présent ou notre condition. Alors ce cinquième chapitre dont nous allons parler aujourd'hui, Martine Lebovici, c'est donc le chapitre consacré à l'action. On a parlé du travail, de l'œuvre, on a suivi finalement la réflexion d'Hannah Arendt. L'action, sa réflexion culmine quand même avec sa réflexion sur l'action. Et c'est assez déconcertant à certains moments, cette lecture de l'action. C'est-à-dire, effectivement, vous avez dit, on l'a entendu, cette idée de contingence. L'œuvre est destinée à une fin, alors que là, avec l'action politique, que l'on croit toujours produite en vue d'une fin, en vue d'un accomplissement, d'une liberté d'acquisition du pouvoir, Hannah Arendt nous dit pas du tout, en fait. Ce qui compte, c'est l'action en elle-même. Et ça, c'est très difficile de dire. Absolument. Ça. Absolument. C'est-à-dire que je pouvais reprendre tous les termes que vous avez employés, eh bien, d'une certaine façon, la théorie politique d'Arendt les redéfinit d'une manière absolument originale. Neuve. Neuve. Pour reprendre un terme. Absolument, absolument. Mais si vous voulez, moi j'aurais envie, pour introduire ce chapitre, qui, comme vous le dites, effectivement, culmine dans le volume, parce que c'est quand même en vue de la question de savoir qu'est-ce que la politique, même si d'ailleurs la notion de politique n'est pas directement évoquée dans le texte, puisque c'est surtout de l'action dont il s'agit, mais je crois qu'il faut peut-être le ressaisir dans le projet général d'Arendt dans Conditions de l'homme moderne par rapport d'une part à la question totalitaire et d'autre part à la question du monde dans lequel elle vit et qui est encore pour une bonne part le nôtre. C'est-à-dire que on a une idée parfois fausse, selon Arendt, de ce que c'est que le totalitarisme, comme étant l'imposition du tout politique à une société, politisant tous les aspects de la vie personnelle et sociale, qui peut provoquer d'une certaine façon une haine de la politique. Parce que si véritablement la politique, dans son expression la plus généralisée, ça donne ça, eh bien il y a de quoi en être dégoûté, aller élever ses moutons quelque part. Or justement le projet d'Arendt, c'est en ayant compris que le totalitarisme était une atteinte à la spontanéité humaine, un projet d'empêcher à tout jamais que quelque chose de nouveau et d'imprévu se produise. Eh bien, il s'agit pour Arendt de montrer que la politique a un ancrage dans la condition humaine elle-même. Donc, c'est au fond une tentative de donner de la dignité à la politique. Et aussi d'ailleurs avec la question qui se pose pour elle dans le monde dans lequel elle vit, qui encore une fois est encore toujours le nôtre, c'est est-ce que les tendances actuelles de la société dans laquelle nous vivons, est-ce qu'elles rendent encore possible la politique ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de certitude que de la politique soit possible dans les conditions actuelles, même si Arendt est attentive au moment où il y en a. Justement dans sa contemporanéité. Ce qui est effectivement ce que vous avez souligné, Martine Lebovici, c'est effectivement ce terme de politique. C'est vrai que Hannah Arendt parle d'action, mais on a toujours l'impression qu'elle parle d'action politique. Qu'est-ce qu'il faut entendre d'ailleurs par politique ? C'est-à-dire, est-ce que c'est le fait en fait d'agir avec les autres dans le cadre de la police ? Est-ce que c'est le fait en fait d'avoir une action qui va améliorer des conditions de vie collective ? Qu'est-ce qu'on doit entendre par politique ? Alors, peut-être qu'on... Justement, on peut pas partir de là dans le texte. C'est-à-dire que l'action est pour Arendt la quintessence même de la politique, mais il n'y a pas que dans la politique qu'il y a de l'action non plus, parce qu'il s'agit d'une capacité humaine articulée aux conditions à la condition humaine en tant que telle. Alors peut-être faudrait revenir rapidement sur la fameuse question des conditions. Mm-hmm. Parce que ce qui est caractéristique de la conception arendtienne de la notion de condition, c'est qu'il y a une condition générale de l'existence humaine qui est, dit-elle, la vie et la mort, c'est-à-dire la natalité et la mortalité, à savoir qu'une existence humaine, où qu'elle soit, est toujours limitée dans le temps, c'est-à-dire qu'elle commence à un moment par une naissance et elle se termine par la mort. Et elle va inventer d'une certaine manière par rapport à la notion habituelle, la notion que l'on connaît qui est celle de la mortalité, elle va inventer la natalité. Je crois qu'il y a qu'elle qui parle de natalité. Mais alors, à partir de cette condition générale, il y a une pluralisation des conditions, puisque nous avons vu qu'il y a la vie à laquelle répond le travail, l'œuvre à laquelle, la durabilité ou la mondanité à laquelle répond l'œuvre, et la pluralité à laquelle répond l'action. Alors déjà, il y a quelque chose d'assez original aussi dans la question de qu'est-ce que l'humain, c'est que la réponse des humains à ces conditions fondamentales de leur humanité, c'est de l'activité. C'est-à-dire, ça n'est pas de la. Ben, jusqu'à là, on disait bon, la caractéristique de l'humain, c'est la pensée, la raison, etc. Mais là, Arendt, pour elle, c'est de l'activité la réponse. Et justement, on peut dire que toutes les actions, toutes les activités sont liées à la condition générale, c'est-à-dire la vie et la mort. Alors, par exemple, elle dira que le travail permet la survie, que l'œuvre permet la durée, c'est-à-dire répond à cette fragilité de l'existence humaine, mais il y a de la natalité dans les trois dans les trois actions, mais effectivement l'action est la plus étroitement liée à cette condition humaine de natalité, c'est-à-dire à la capacité de commencer, puisqu'elle va être la natalité, la catégorie fondamentale de la pensée politique, par opposition, dit-elle, à la métaphysique. Alors justement, on va entendre Hannah Arendt le dire dans cet extrait de La condition de l'homme moderne, chapitre 5, l'action. Il est dans la nature du commencement que débute quelque chose de neuf, auquel on ne peut pas s'attendre d'après ce qui s'est passé auparavant. Ce caractère d'inattendu, de surprise, est inhérent à tous les commencements, à toutes les origines. Ainsi, l'origine de la vie dans la matière est une improbabilité infinie des processus de l'univers, ou l'évolution de l'homme à partir de la vie animale. Le nouveau a toujours contre lui les chances écrasantes des lois statistiques et de leur probabilité, qui, pratiquement, dans les circonstances ordinaires, équivaut à une certitude. Le nouveau apparaît donc toujours comme un miracle. Le fait que l'homme est capable d'action signifie que, de sa part, on peut s'attendre à l'inattendu, qu'il est en mesure d'accomplir ce qui est infiniment improbable. Et cela, à son tour, n'est possible que parce que chaque homme est unique, de sorte qu'à chaque naissance, quelque chose d'uniquement neuf arrive au monde. Par rapport à ce quelqu'un qui est unique, on peut vraiment dire qu'il n'y avait personne auparavant. Si l'action en tant que commencement correspond au fait de la naissance, si elle est l'actualisation de la condition humaine de natalité, la parole correspond au fait de l'individualité. Elle est l'actualisation de la condition humaine de pluralité qui est de vivre en être distinct et unique parmi les égaux. France Culture, Les chemins de la philosophie, Géraldine Mosna-Savoy. Alors, on l'a déjà dit dans la semaine, Martine Lebovici, La condition de l'homme moderne, c'est vraiment un très beau livre et ce passage fait partie vraiment des très beaux passages de ce livre d'Hannah Arendt. On l'a entendu interprété par Hélène Lossor. C'était donc un extrait du chapitre 5 sur l'action. Alors, il y a plusieurs choses dans ce texte qui sont vraiment frappantes. On a l'impression que c'est assez simple à saisir, l'idée que toute action est une forme de commencement, est un commencement, est un miracle, est une nouveauté, relève de la natalité. Mais est-ce qu'on peut dire véritablement que toute action est un commencement? Et que faut-il entendre par commencement? Est-ce que c'est une rupture? Est-ce que c'est juste le fait qu'une nouvelle personne le fasse? Que faut-il entendre à la fois par toute action et par commencement? Donc, Martine Lebovici. Alors, effectivement, c'est que comme on a déjà pu le remarquer, les textes d'Arendt sont apparemment faciles à lire. Et puis, après, une fois qu'on y revient, il y a quelque chose quand même de très difficile en fait. Parce qu'aussi il faut le dire, il y a un côté parfois un peu embrouillé. C'est pas évident. Et c'est vrai que d'un chapitre à l'autre, elle revient beaucoup sur des thèmes qu'elle avait vus dans un chapitre précédent. Elle revient même quelques pages après. Donc effectivement, on avait des réflexions sur l'œuvre qu'on trouve dans l'action, mais qu'on a trouvé déjà dans le travail. Voilà. Et c'est vrai qu'il faut pouvoir s'y retrouver. Il faut pouvoir s'y retrouver. Alors moi, je crois que dans le chapitre sur l'action, on a affaire. Enfin, comment dire, vous savez, Deleuze disait que toute grande philosophie, enfin, je ne suis pas sûre qu'il aurait reconnu en Arendt une grande philosophie, mais toute grande philosophie se caractérise par une création de concepts. Et on peut toujours identifier un grand texte parce qu'il y a une création de concept. Eh bien, je crois qu'il y a deux grandes créations de concepts chez Arendt, c'est pluralité et natalité. Et le problème, justement, par rapport à la question de l'action, c'est que il y a enchevêtrement constamment des deux, alors que ce sont deux notions qui sont différentes. Et aussi, ce qui est, à mon avis, ce que je trouve toujours assez difficile à démêler, c'est la part à donner à la parole et à l'action. Puisqu'il y a un petit peu quelque chose d'un peu tautologique quand elle dit « l'action, c'est parole et action ». Alors, c'est un peu bizarre de définir l'action par l'action et d'ajouter la parole. Et donc, je crois que il faut essayer de, démêler ça. Peut-être à partir de la fin du texte, si l'action en tant que commencement correspond au fait de la naissance, si elle est l'actualisation de la condition humaine de natalité, la parole correspond au fait de l'individualité, elle est l'actualisation de la condition humaine de pluralité. Alors jusqu'à présent, nous avons lu que la troisième condition pluralisant la condition générale, c'était la pluralité. Mais on n'a pas vu la natalité. Et aussi, ce qui est très bizarre avec les conditions, c'est qu'elle dit c'est un fait, alors que jusqu'à présent, en philosophie, une condition n'est pas de l'ordre du fait. C'est de l'ordre du ce sans quoi et qui n'est pas donné comme un fait, justement. Or là, il y a deux faits. Mm-hmm. Et ça qui est compliqué, je trouve, dans Arendt. Alors, justement, on va commencer peut-être par la pluralité. Alors, la pluralité, elle est très précisément définie au début du chapitre. Seul l'homme peut exprimer cette distinction et se distinguer lui-même. Lui seul peut se communiquer au lieu de communiquer quelque chose, la soif, la faim, l'affection, l'hostilité ou la peur. Chez l'homme, l'altérité qu'il partage avec tout ce qui existe et l'individualité qu'il partage avec tout ce qui vit deviennent unicité. Et la pluralité humaine est la paradoxale pluralité d'êtres uniques. Alors, elle fait toute une distinction entre les distinctions. Il y a d'une part, toute chose est autre qu'une autre. Mm-hmm. Elle n'est pas ce qu'est l'autre. Mais aussi, tout vivant est une individualité. Il a une capacité de se déplacer. Mais justement, l'homme lui-même a cette caractéristique de se distinguer lui-même, de se communiquer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, me présentant, en parlant, quelque chose se manifeste à l'autre, un « se », qu'elle va appeler un « qui ». Par exemple, vous-même en ce moment, Martine. Alors, par exemple, exactement. Par exemple, moi, en ce moment, je suis en train de parler, je m'adresse à vous, et vous, c'est vous, l'autre, qui recueillez ce qui ressort de moi. Oui. Et ce qui ressort de moi, elle le précise plus tard dans un autre chapitre, c'est l'essence vivante de la personne telle qu'elle se montre dans le flux de l'action et de la parole. C'est-à-dire que quelque chose de qui je suis se manifeste, mais je ne sais pas ce que c'est, moi. Oui, ça c'est intéressant, c'est-à-dire que par exemple quand on vient à naître et à accomplir une action et à parler, parce qu'il faut que l'action aille avec de la parole, puisqu'on le voit dans le texte, il y a quelque chose de moi dont je suis d'une certaine manière l'acteur, voilà. Je vais manifester quelque chose de moi qui n'est pas un que, ça veut dire qu'en gros qui n'est pas un corps, ce n'est pas une substance, ce n'est pas une nature, quelque chose de mon identité, du qui. Voilà, de ma subjectivité, mais en même temps, moi-même, je ne le sais pas. Exactement. Mais ce qui veut dire que si je me manifeste à vous, Martine Lebovici, est-ce que vous pouvez m'interpréter ou décider de qui je suis ? En tout cas, l'interpréter, c'est un, c'est, je crois pas, parce que il faudrait que je vous objective. Mais si vous voulez, c'est dans cette interaction, effectivement. Et d'ailleurs, moi, je suis toujours. Je pense toujours à une chose quand je relis, j'essaie d'expliquer ce que c'est que le qui, c'est que nous ne nous voyons jamais en train de parler. Nous ne nous écoutons Nous nous écoutons. Ouais. Mais quand nous nous regardons dans le miroir, il y a quelque chose de figé. Mais c'est moi qui vous vois. Ouais. Et donc, votre apparition, c'est moi qui la recueille de la même manière que mon apparition, c'est vous qui la recueillez. Mais c'est un qui, c'est-à-dire c'est pas un moi. Et c'est pas un moi parce que, comme elle le dit, c'est l'essence vivante de la personne. Et pour ça, il faut un certain temps. C'est-à-dire que il faut prendre... Alors, c'est un temps qui est dans l'interaction, mais c'est quand même... Il faut quand même parler un certain temps pour que le qui se révèle. Ce qui veut dire, par exemple, que toute action est caractérisée par cette dimension de pluralité où un ensemble d'individualités vont apparaître à travers leurs actions, c'est ça ? C'est-à-dire que là, pour le moment, nous sommes en train d'analyser la manifestation du qui aux autres. À travers l'action. Alors, on va voir, peut-être qu'on va un peu trop vite de dire à travers l'action. Parce que, je dis ça parce que le temps presse, justement. C'est-à-dire que c'est un dévoilement implicite qui se manifeste. Pas seulement dans l'action. Mm-hmm. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'il y a action ? Eh bien, c'est que cette pluralité est l'occasion de quelque chose de nouveau qui arrive. C'est-à-dire que c'est l'action. Il y a toujours de l'initiative. Et dans cette initiative, effectivement, il y a un courage de se dévoiler aux autres. Mais l'initiative, c'est le nouveau qui se produit par l'action en commun. Et surtout, ce qui est important, c'est que ce nouveau ne se fabrique pas. C'est-à-dire, il se produit. Spontanément, sans raison. Il y a une spontanéité. Et de manière aussi anonyme, puisque ce qui, en fait, n'apparaît jamais à ceux qui sont en train de l'agir. Je sais qu'il y a ce mot anonymat dans le texte, mais en même temps, ce qui, c'est toujours quelqu'un avec un nom, hein, chez Arendt. Mm-hmm. Donc, c'est un peu bizarre, cette idée. Enfin, il faudrait avoir beaucoup de temps pour raccrocher. C'est aussi une manière de pas le rabattre sur la figure de grands héros ou de grands hommes. Parce que, n'importe qui peut manifester son qui dans l'action avec les autres. Mais je crois que cette idée de nouveau, justement, c'est important de rappeler que le nouveau se passe, se produit, arrive. C'est le refus tout total de la fabrication du nouveau, qui a été effectivement la caractéristique des totalitarismes, puisque les deux totalitarismes ont prétendu fabriquer l'homme nouveau. J'aimerais, Martine Lebovici, vous faire écouter un extrait justement d'une manifestation et vous me direz si ça ressemble à ce qu'entend Hannah Arendt par action. Wellington, Madrid, Paris, New York, les militants écologistes se sont mobilisés un peu partout sur la planète lundi. Jeunes ou moins jeunes, ils demandent aux différents gouvernements d'agir enfin activement contre le réchauffement climatique. Deux semaines de désobéissance civile et d'actions spectaculaires sont prévues par le mouvement Extinction Rébellion. Nous tenons à nous excuser auprès de toute personne qui serait gênée par nos actions. Nous ne voulons pas perturber la vie des gens. Ce que nous voulons, c'est que les gouvernements agissent. À Berlin, comme dans d'autres villes, des militants se sont drapés dans des robes rouges pour signifier l'extinction des espèces due au changement climatique. Je suis moi-même une écologiste de profession. Pour moi, c'est une catastrophe de voir le gouvernement fédéral dans l'inaction face à la crise climatique, face à la perte de biodiversité de la planète. Et ces choses-là conduisent l'humanité à une crise existentielle. C'était une archive du 8 octobre 2019 sur Euronews. On a entendu donc cette manifestation, cette action d'extinction-rébellion. Est-ce que ça correspond à la définition d'Hannah Arendt de l'action ? Alors, en tout cas, on peut interpréter cette action avec les catégories d'Arendt. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des gens qui, ensemble, ce qui suppose qu'avant d'avoir fait cette action. Je sais pas exactement qu'est-ce qu'ils ont fait. Enfin bon, ils se sont mobilisés pour demander au gouvernement d'agir contre le réchauffement climatique. De quelle manière qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont occupé la rue, ils ont manifesté. Voilà. Ouais. Mais avant, ils ont dû discuter ensemble pour savoir ce qu'ils a. C'est une action qui a été organisée et l'organisation interne entre les acteurs est fondamentale pour qu'une action ait lieu. Mais donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils occupent une place. Mais en même temps, ils disent le sens de ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas d'occuper la place. Ils expliquent que cette action est une réponse, est une réplique à d'autres actions, ou plutôt à une inaction des gouvernements. Donc effectivement, il y a à la fois... Ils enfoncent une brèche, c'est-à-dire qu'il y a une brèche quelque part. Ils peuvent à un moment aller s'installer sur une place publique qui a supposé qu'ils aient discuté ensemble de ce qu'ils allaient faire, mais en même temps ils expliquent le sens de ce qu'ils font. Donc effectivement, il y a tous les aspects de la conception arendtienne de l'action, oui. Ce qui veut dire aussi que la part de contingence ou d'imprévisible dont parlait Hannah Arendt étant quand même en partie maîtrisée. C'est-à-dire que quand on va se réunir pour agir, on a quand même en vue, par exemple, on l'entend très bien, le témoignage de cette manifestante dire « Désolé de déranger les autres, mais en fait, on veut faire bouger le gouvernement ». Donc, il y a quand même une visée. Alors, bien sûr, il y a une décision de faire quelque chose qui a été l'occasion, à l'intérieur du groupe, de la manifestation des uns et des autres qui ont dû discuter et peut-être pas être d'accord sur ce qu'il s'agissait de faire. À partir d'un moment, l'action se fait. Mais la question de la contingence, elle n'est pas à ce niveau-là. La question de la contingence, elle est dans les conséquences que va avoir cette action. Comment le gouvernement pourra réagir? Comment le gouvernement pourra réagir? Comment les gens? Est-ce que les citoyens vont être attentifs à ça? Est-ce que les citoyens vont se mettre à agir à leur tour? Ou est-ce qu'au contraire, ça va tomber dans l'indifférence la plus totale? Et ça se maîtrise pas. C'est-à-dire, c'est là que se trouve la contingence. C'est dans le fait que nous agissons, parce que nous répondons à un appel du monde d'une certaine façon, mais les conséquences de notre action, nous ne les maîtrisons pas. Est-ce que la dérive de cette conception de l'action, Martine Lebovici, ce n'est pas d'agir pour tout et n'importe quoi? C'est-à-dire de ne pas discriminer de bons critères pour agir au bon moment, définis sur de bonnes conditions, sur par exemple le juste ou l'injuste, le bon ou le mauvais, vous voyez, sur des convictions. Alors, si vous voulez... L'action à la fois elle a un caractère elle peut se présenter, enfin il y a ce mot miracle là qui inscrit quelque chose de nouveau, mais en même temps elle intervient toujours dans un milieu. La politique, c'est toujours dans un milieu. Et là, l'inspiration d'Arendt est machiavélienne. C'est-à-dire que ce milieu, il est fait de toutes sortes de conflits, de résistances, etc. Et effectivement, il y a une intelligence à avoir quand on agit, c'est de saisir le bon moment. C'est-à-dire qu'on peut vouloir agir et puis c'est pas le bon moment. Et là, effectivement, il y a un côté machiavélien, c'est-à-dire que il faut saisir la brèche. Est-ce qu'aussi on peut ne pas confondre ce qui relève du faire et de l'agir? C'est-à-dire, est-ce que tout ce qu'on accomplit dans l'espace public et politique en apparaissant aux autres relève de l'action et pas tout le temps? Ou alors est-ce que ça relève aussi juste de comment on pourrait dire d'ailleurs, du faire? Mais disons que c'est-à-dire qu'il y a cette notion importante chez Arendt avec l'action, c'est quand même la notion d'organisation. C'est-à-dire c'est que pas n'importe quoi l'action. C'est pas juste voilà, on se retrouve et puis on fait un truc ensemble comme on peut faire. Il y a parce que l'organisation, c'est-à-dire ce qu'elle appelle le pouvoir, ça suppose effectivement que je parlais tout à l'heure de la préparation de l'action. C'est-à-dire que il y a un moment où effectivement les acteurs se concertent ensemble pour savoir ce qu'ils vont faire. Et ce qui se passe, c'est que il constitue ce qu'elle appelle un pouvoir. C'est-à-dire que on agit on agit toujours dans un groupe, dans un certain groupe quand même. Hein. C'est pas. Alors, en même temps, on va peut-être voir comment il y a. C'est pas aussi simple que ça, parce qu'il y a aussi tout un côté processus qui est dans la suite de l'action. Peut-être on le verra tout à l'heure, mais en tout cas, ce qu'elle appelle le pouvoir, c'est une organisation de l'action qui fait que ah oui, alors que vous posiez la question du faire. Elle les distingue bien d'ailleurs. Elle les distingue, mais par exemple, quand on organise une action, eh ben il y a tout un côté fabrication, c'est-à-dire il faut faire des tracts, il faut écrire des textes, pas une action. En fait, vous voulez dire une action n'est pas ex nihilo, spontanée. En fait, tout ça c'est très naïf de penser l'action politique sous cette forme-là, même chez Arendt. Mais bien sûr que non. Mais en même temps, là où une action prend sens véritablement dans le réseau, c'est qu'elle apporte de la nouveauté. Alors, apporte de la nouveauté, ce qu'elle fait brèche comme ça. Justement, Martine Lebovici, vous parlez du sens et j'aimerais qu'on écoute cet extrait encore du chapitre 5 de l'action où Hannah Arendt nous parle de la mise en récit de l'action, ce qui peut permettre justement de déceler cette idée de sens de l'action. Est-ce qu'il est si visible que ça et par qui ? La révélation du qui par la parole et la pose d'un commencement par l'action s'insèrent toujours dans un réseau déjà existant où peuvent retentir leurs conséquences immédiates. C'est à cause de ce réseau déjà existant des relations humaines, avec ses innombrables conflits de volontés et d'intentions, que l'action n'atteint presque jamais son but. Mais c'est aussi à cause de ce médium, dans lequel il n'y a de réel que l'action, qu'elle produit intentionnellement ou non des histoires, aussi naturellement que la fabrication produit des objets. Il se peut alors que ces histoires soient consignées dans des documents et des monuments, qu'elles soient visibles en objets ou en œuvres d'art, qu'elles soient contées et racontées et incarnées en toutes sortes de matériaux. Elles-mêmes, dans leur réalité vivante, diffèrent totalement de ces réifications. Elles nous en disent plus sur leur sujet, le héros qui est au centre de chaque histoire, qu'aucun produit des mains humaines sur le maître qui l'a fabriqué. Et cependant, ce ne sont pas des produits à proprement parler. Bien que chacun commence sa vie en s'insérant dans le monde humain par l'action et la parole, personne n'est l'auteur ni le producteur de l'histoire de sa vie. En d'autres termes, les histoires, résultats de l'action et de la parole, révèlent un agent. Mais cet agent n'est pas auteur, n'est pas producteur. Quelqu'un a commencé l'histoire et en est le sujet au double sens du mot, l'acteur et le patient. Mais personne n'en est l'auteur. On retrouve dans ce texte, Martine Lebovici, un certain nombre de choses qu'on a évoquées et qu'on va pouvoir approfondir. Donc, c'est un extrait de La condition de l'homme moderne, chapitre 5, l'action. Ça fait partie de la sous-partie, le réseau des relations et les histoires jouées. Ce texte permet de poser notamment cette question, il me semble, Martine Lebovici, celle non seulement du qui, on en a parlé en fait, ce qui n'est pas un auteur, ni le producteur, c'est juste un acteur impatient, mais aussi cette question du sens. Quelqu'un a commencé l'histoire, nous dit Hannah Arendt, mais finalement, qu'en est-il de la fin de l'histoire? Quand est-ce qu'on sait qu'une action est achevée? Quand est-ce qu'on peut découvrir son sens, si ce n'est peut-être des années après? Peut-être que je peux pas répondre tout de suite à ça. Parce non, vous devez répondre déjà à un certain nombre de choses avant. Parce que bon, dans le texte qu'on a lu, ça se termine par la question du récit, du héros. Le récit. Mais c'est toujours pareil quand on a un truc à la fin et il faut remonter un peu plus haut pour pouvoir pouvoir comprendre le truc à la fin. Alors peut-être qu'il faut repartir de l'idée de l'action, si pour aller vite, on a vu, elle est actualisation de la pluralité et de la naturalité, hein. Et elle est toujours plurielle, elle est toujours au lieu entre des humains. Et ce qui se constitue entre les humains, eh bien, c'est ce qu'elle appelle un espace d'apparence, c'est-à-dire une espèce de phénoménalisation qui relie et sépare les individus un petit peu dans une structure comparable à celle qu'on a vue pour le monde, mais aussi c'est la structure du langage. Le langage, effectivement, relie et sépare les humains. Et alors, en d'autres termes, cet espace est public. Alors public, ça a deux sens. D'une part, ça veut dire que nos actions et nos paroles sont dans le groupe actif, sont toujours à propos de quelque chose du monde, c'est-à-dire on a un objet, on ne fait pas que se montrer, on parle aussi de quelque chose. Et alors l'exemple d'Extinction Rébellion est excellent parce que ils répliquent, et non pas ils réagissent d'ailleurs, parce qu'ils inventent quelque chose justement pour répondre. Hein. Ils répondent à quelque chose de l'ordre de ce que fait le gouvernement ou ne fait pas le gouvernement, mais la plupart des actions politiques sont effectivement en réplique à des actions des autres. Et au lieu de réagir en chaîne, ils vont rompre en fait cette chaîne de cause à effet, c'est-à-dire que par exemple, ils pourraient très bien répondre en étant violents, et ils vont plutôt faire une action qui va rompre ce cycle de causalité. Par la nouveauté. Exactement. Tout à fait. C'est-à-dire que le grand risque de l'action politique, c'est le miroir. C'est-à-dire violence. Voilà, d'agir en miroir avec ce contre quoi on se bat. Et justement, la grandeur de l'action politique, c'est quand elle arrive à rentrer dans une brèche et à déplacer d'une certaine manière les processus. Bon, et puis il y a d'autre part, donc ça c'est ce qui apparaît, c'est-à-dire c'est et puis il y a ce qu'on a vu déjà, c'est-à-dire l'apparition dans l'espace public. Alors c'est-à-dire que justement c'est là la différence entre la notion d'espace public d'Arendt et de Habermas par exemple. Donc Jürgen Habermas qui est donc un penseur, un philosophe allemand qui a théorisé justement cette notion d'espace public, mais à partir de Kant. Comme un espace de circulation du savoir, un usage de la raison publique. Voilà, et qui est surtout un espace de discussion. Mais justement, la spécificité d'Arendt, c'est que bien sûr qu'il y a de la discussion, mais en discutant avec les autres, qui je suis apparaît. C'est-à-dire que c'est aussi une expérience existentielle d'une certaine façon. C'est pas juste des débats, parce que quand on débat, on se manifeste. Et ça, je crois que c'est la grande différence, justement, avec toutes les théories, de l'espace public qui font de l'espace public uniquement un espace de débat. Bien sûr qu'il y a de la discussion, mais cette discussion, elle. Et donc, il y a, un caractère libertaire de la conception arendtienne de l'action. D'abord parce que il s'agit d'un espace d'égalité. Ni on commande, ni on est commandé. Et puis parce que l'action peut surgir sans forcément être prévu, et elle peut même aller contre les lois, elle peut même aller contre ça. Justement, c'est une chose que je me suis posée, une question que je me suis posée en lisant ce chapitre sur l'action d'Arendt. C'est, elle ne prononce jamais le mot d'anarchisme, mais il y a quelque chose de cet ordre-là dans l'action qu'elle décrit, à savoir qu'il ne prend pas du tout les atours de l'organisation politique telle qu'on la connaît depuis Platon, comme elle l'a décrit, avec d'un côté un gouvernant qui détient le savoir et de l'autre des gouvernés qui exécutent, dans le faire. Elle n'est pas du tout dans cette idée-là. Elle bouleverse complètement cette vision-là. Elle est plutôt dans une vision immanente de la politique qui s'organise en même temps, en fait, qu'elle s'accomplit. Est-ce que on a cette idée-là chez Arendt, alors, justement d'anarchie un petit peu? Alors, je dirais pas anarchie, mais je dirais libertaire plutôt qu'anarchie, parce que l'anarchie, c'est un isme, hein, et Arendt déteste les ismes. Mais alors, bon, en même temps, si on avait le temps, hein, parce que là, on n'a pas le temps, il y a tout un autre aspect de la pensée d'Arendt, qui est une pensée de la loi aussi, quand même. Hein, et là, on n'a absolument pas le temps d'en parler, mais justement, c'est ça, moi, qui me plaît beaucoup chez Arendt, c'est que quand il y a ce caractère libertaire, mais en même temps, il y a aussi d'autres aspects de sa pensée qu'on n'a pas le temps d'appréhender, qui nous empêche aussi d'être anarchiste, d'une certaine façon. Mais c'est vrai qu'elle le dit dans ce chapitre sur l'action, elle dit bien, le principe de l'action, c'est l'imprévisibilité, l'irréversibilité, on va en parler tout de suite, mais aussi, en fait, l'illimité, mais en fait, il y a des limitations. Elle parle de la loi, elle parle des frontières du pays, mais c'est vrai qu'à la lecture de ces textes, on a l'impression que les limites n'interviennent qu'après, c'est là où on en vient à la fin du texte, où justement, on a l'impression que l'action commence, mais qu'elle ne se finit jamais, qu'elle n'a pas de limite. Justement, je crois que c'est vraiment Étienne Tassin qui a beaucoup insisté là-dessus, c'est sur le fait que Il y a quelque chose de dangereux dans l'action. Il y a quelque chose d'illimité. Il y a une hubris de l'action. C'est-à-dire que elle a tendance à elle n'a pas de limite. Le nombre de gens qui peuvent se joindre à une action n'est pas circonscrit. Elle a tendance à franchir toutes les bornes. Elle met en danger les institutions. Et puis aussi, elle déclenche des processus qui ne sont pas nécessairement maîtrisables. Et donc, je crois qu'à un moment dans le texte, elle parle chez les Grecs, de l'association entre hybris et mesure. Oui, il y a quelque chose de mesuré aussi chez Arendt. C'est ça qui est très si intéressant chez elle, c'est qu'il y a les deux aspects dans son approche de la politique. Et alors, peut-être pour en arriver à la question du récit, c'est-à-dire que l'action a trois caractéristiques. Elle est fragile, elle est imprévisible dans ses conséquences, et elle est irréversible. Et en même temps, ce caractère spatial de l'action, elle a un caractère spatial, on l'a vu, espace public, mais elle a aussi un caractère temporel. C'est-à-dire, vous disiez tout à l'heure, oui, mais à un moment, ça se termine bien. Mais oui, bien sûr, une action ne dure pas éternellement. Une action est limitée dans le temps. Et il y a, c'est ce qui est dit dans ce texte, il y a une affinité entre action et histoire, parce que toute action révèle non pas un auteur, mais un héros, c'est-à-dire c'est celui qui se manifeste au travers de ce qu'il fait. Et d'une certaine façon, on est assez proche de Ricoeur ici, c'est-à-dire qu'il y a une qui préface d'ailleurs le texte. Hein. Absolument, il y a une affinité entre l'action et l'histoire, c'est-à-dire qu'une histoire, c'est des étapes, un avant, un après, donc une irréversibilité effectivement. Il y a des intrigues, il y a des accidents, il y a du hasard, etc. Et toute action humaine est une histoire. Et du coup, effectivement, ce qui peut rester d'une action, c'est le récit que on peut en faire, qui est là, qui relève d'une certaine fabrication et qui fait durer. Mais alors, le récit, justement, il dépend de quelque chose de très important. C'est tout simplement d'une survie de l'humanité. C'est-à-dire que il faut qu'il y ait d'autres après nous qui avons agi, qui racontent cette histoire. Ça permet de rendre les actions immortelles, d'une certaine manière. Alors, en tout ou cas, de créer une histoire. En tout cas, il y aurait, enfin, tous, enfin, Arendt ne, enfin, il y a pas que les Grecs hein, dans le bouquin. Il y en a d'autres aussi. Hein. Mais il y a beaucoup les Grecs. Il y a beaucoup les Grecs. Mais il y avait chez les Grecs cette idée que en agissant et en ayant le courage de me manifester, d'ailleurs le courage n'est pas nécessairement un courage militaire, c'est le courage d'apparaître en public, parce qu'effectivement on peut être beaucoup mieux à l'abri chez soi sans exprimer quoi que ce soit aux autres. Eh bien, on veut être au meilleur de... Il y a quelque chose de nous, quand nous nous mettons à agir ou même à parler, c'est que on peut vouloir être au meilleur de nous-mêmes. Et les Grecs appelaient ça la gloire. Et justement, cette gloire, elle n'est pas une éternité. Elle peut être une immortalité parce que il faut que d'autres puissent raconter l'histoire à la fois. Après, donc, il faut qu'il y ait une organisation humaine qui recueille les récits de manière à pouvoir les transmettre. Le risque public me semble clair. On s'expose à la lumière du public en tant que personne. Bien que je sois d'avis qu'il ne faut pas apparaître et agir en public en réfléchissant sur soi-même, je sais que dans chacune de ces actions, la personne s'exprime d'une manière singulière, dans l'action et la parole, puisque la parole est aussi une forme d'action. C'est donc un premier risque. Le deuxième, et de commencer quelque chose, intervenir au sein d'un ensemble, et ce qu'il en adviendra, on ne sait pas. On s'est tous entendu dire, Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Cela s'applique à toutes les actions d'une manière très spécifique, car vous ne pouvez pas savoir. C'est un risque. Et puis, je dirais pour conclure que cette entreprise risquée n'est possible qu'avec la confiance en l'humanité. Ce qui veut dire une confiance difficile à cerner, mais qui est fondamentale en ce qu'il y a d'humain chez nous tous. Autrement, ça ne pourrait pas exister. C'était donc la voix d'Hannah Arendt le 28 octobre 1964. On entend dans cette archive ce qu'on a déjà développé, Martine Lebovici, à savoir les risques pris dès lors qu'on s'expose dans l'espace politique, l'exposition, l'imprévisibilité. Mais face à ça, face à cette fragilité, ce danger, cette incertitude de l'action, Hannah Arendt parle ici de confiance, ce qui n'est pas un terme qu'on lit en fait dans la condition de l'homme moderne, mais effectivement c'est une manière de pouvoir s'engager dans l'action sans prendre peur en fait, ou du moins de ne pas hésiter à agir. Bah oui, cette idée de, en fait peut-être qu'on y reviendra si on parle de la question de la promesse et du pardon. On va en parler. Parce que alors là, on rentre dans quelque chose d'assez étrange chez Arendt, hein, en particulier surtout dans le chapitre sur le pardon. Elle dit quand même à la fin, c'est cette espérance, et ça se finit comme ça, hein, c'est cette espérance et cette foi dans le monde qui ont trouvé sans doute leur expression la plus succincte, la plus glorieuse dans la petite phrase des évangiles annonçant leur bonne nouvelle, un enfant nous est né. Alors déjà, effectivement, on voit que c'est la natalité là qui l'emporte. Hein. Mais il y a effectivement, c'est vrai que avoir le courage de rentrer, de s'exposer, c'est aussi avoir confiance dans ceux avec qui j'agis. Confiance je ne vais pas me répéter. C'est vrai que le terme confiance résume tout. C'est-à-dire qu'il doit faire partie de ce qui se passe dans un groupe. Et genre, quelque part dans le livre, elle dit aussi qu'à partir du moment où les interactions dans un groupe d'acteurs sont minées par le soupçon, sont minées par les conflits, et c'est très très souvent comme ça malheureusement dans les groupes politiques, hein, c'est-à-dire qu'il y a un moment, on est dans une assemblée où tout se passe formidablement, et puis il y a un moment où il y a des ennemis à l'intérieur. Enfin, ça c'est quand même très caractéristique de certains groupes. Et donc quand la confiance dans les autres commence à ne plus exister, eh bien le groupe va se dissoudre. Mais aussi dans la confiance dans l'humanité. Alors peut-être on pourrait rattacher ça à ce qu'elle travaillera plus tard, c'est la notion de spectateur. C'est-à-dire que quand nous agissons toujours, alors non pas devant Dieu, mais devant les humains qui sont loin de nous, qui sont pas ici, alors que soit qui sont, ce sont les autres citoyens, c'est qu'on s'adresse toujours aux autres quand on agit aussi, et donc on a une espèce de confiance que d'autres vont comprendre ce qu'on veut faire et ils vont peut-être nous rejoindre, quoi. Alors on va écouter tout de suite le fameux texte d'Hannah Arendt sur le pardon et la promesse. Écoutez, c'est un très beau texte. Contre l'irréversibilité et l'imprévisibilité du processus déclenché par l'action, le remède ne vient pas d'une autre faculté éventuellement supérieure. C'est l'une des virtualités de l'action elle-même. La rédemption possible de la situation d'irréversibilité, dans laquelle on ne peut défaire ce que l'on a fait, alors que l'on ne savait pas, que l'on ne pouvait pas savoir ce que l'on faisait, c'est la faculté de pardonner. Contre l'imprévisibilité, contre la chaotique incertitude de l'avenir, le remède se trouve dans la faculté de faire et de tenir des promesses. Ces deux facultés vont de pair. Celle du pardon sert à supprimer les actes du passé, dont les fautes sont suspendues comme l'épée de Damoclès au-dessus de chaque génération nouvelle. L'autre, qui consiste à se lier par des promesses, sert à disposer, dans cet océan d'incertitude qu'est l'avenir par définition, des îlots de sécurité sans lesquels aucune continuité, sans même parler de durée, ne serait possible dans les relations des hommes entre eux. Ces deux facultés dépendent de la pluralité, de la présence et de l'action d'autrui. Car nul ne peut se pardonner à soi-même. Nul ne se sent lié par une promesse qu'il n'a faite qu'à soi. Pardon et promesse, dans la solitude ou l'isolement, demeurent irréels et ne peuvent avoir d'autre sens que celui d'un rôle que l'on joue pour soi. C'est le dernier texte d'Hannah Arendt que nous allons entendre cette semaine, Conditions de l'homme moderne, chapitre 5, l'action interprétée par Hélène Losser. Très beau texte sur le pardon et la promesse. Est-ce que c'est là aussi les remèdes que trouve Arendt pour pouvoir agir? Alors, en tout cas, c'est pas pour pouvoir agir, c'est quand l'action a lieu, avec son côté dangereux, avec son côté d'irréversibilité, avec le fait que nous ne maîtrisons pas les conséquences, etc. Est-ce que il y a une possibilité d'y remédier? Mais si vous voulez, alors que les impasses du travail, aux impasses du travail, on peut remédier par l'homo faber, par l'œuvre. Aux impasses de l'œuvre, on peut remédier par l'action. Aux impasses de l'action, on ne peut remédier qu'à partir de facultés propres à l'action elle-même. Et ce dont il est question ici, ça serait d'une espèce d'éthique proprement politique, qui ne soit pas, c'est ça qu'elle recherche, hein, qui ne soit pas imposée de l'extérieur par des normes. Et en même temps, je suis très frappée que pardon comme promesse relève du langage, c'est-à-dire du caractère performatif du langage. Parce que pour qu'il y ait pardon, il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise « je te pardonne » et promettre, c'est s'engager dans la promesse. Donc là, c'est une autre caractéristique du langage qui est en jeu dans l'un comme l'autre. Et la dimension temporelle aussi, pas que spatiale. C'est pardon et promesse ont évidemment directement à voir avec la dimension temporelle. C'est-à-dire, d'une part, le caractère irréversible de l'action, c'est-à-dire que une fois que qu'on a agi, on ne peut pas faire que ça n'ait pas eu lieu. Et ça veut dire aussi que dans les conséquences de ce que nous faisons, il peut y avoir des choses dommageables. Mais il ne s'agit pas ici, dit-elle, de la question des crimes, il s'agit de des conséquences dont nous ne savons pas, que nous ne connaissons pas au moment où nous agissons. Et alors, on n'a pas le temps là de le développer, mais il est très, peut-être étonnant, hein, qu'ici, il y ait une référence religieuse, c'est-à-dire c'est la référence à... Il y a beaucoup Jésus, pardon. Il y a Jésus, alors d'ailleurs, oui, il y a Jésus de Nazareth, c'est-à-dire elle dit jamais le Christ, elle dit Jésus de Nazareth. Donc là, ça serait tout un quelque chose à réfléchir, c'est-à-dire quel rapport Arendt a-t-elle avec les textes religieux, avec le langage religieux, et puis d'autre part la promesse. Alors là, évidemment, elle cite directement Nietzsche, l'homme animal capable de faire des promesses, c'est-à-dire c'est le maintien de soi-même que l'on peut opposer au changement et à la fluidité, et qui dépend d'une capacité à s'engager dans un jeu promet, mais toujours à d'autres. Hein. Merci beaucoup Martine Lebovici. De vous, on peut lire Le Cahier de Lerne, Arendt, co-dirigé avec Aurore Mrejen, et l'ensemble de vos livres, on les mettra sur le site. Et puis d'Anna Arendt, lisez La Condition de l'Homme Moderne, disponible chez Kalman Levy, avec la préface de Paul Ricoeur et la traduction de Georges Fradier. Merci beaucoup. Souffle sur le pays, très chaudement. Dans un bain de foule dévot, à moitié épaillie. On se mouillait mollement, la glace fondait dans les spritz. C'était à n'y comprendre rien, tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, le trait d'esprit serveur central. Un monde nouveau, on en rêvait tous. Que savions-nous faire de nos mains? Il est 10h54, vous écoutez France Culture, vous écoutez Feu Chatterton, Un monde nouveau, et c'est l'heure d'écouter maintenant Frédéric Worms.